Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107 FM. Nous sommes le mercredi 26 janvier 2022, c'est Chris, vous êtes en direct, il est un peu plus de 14h, il est presque 14h02. Vous êtes dans votre émission Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont Jean-Luc Fevet, collectionneur entre autres, qui est là pour nous parler de ses passions, de ses collections et de tout ce qu'il fait. Donc bonjour Jean-Luc. Bonjour Chris. Comment ça va ? Ça va très bien, très bien. Là, le soleil est arrivé, là c'est bien. C'est vrai. C'est vrai que ça fait du bien, un petit peu de soleil. Donc nos auditrices et auditeurs sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Bon, en quelques mots, donc je suis retraité, mais un retraité actif, et puis je suis donc collectionneur, moitié historien, chercheur, tout ce que vous voulez, voilà, et je vends en fait des collections, effectivement. D'accord, on en parlera durant du coup toute cette heure d'émission. Et donc, comme vous venez de le dire, vous êtes collectionneur, mais quelle a été votre vie professionnelle ? Est-ce que vous travailliez déjà avant comme antiquaire ou pas du tout ? Pas du tout, non, j'ai pris, depuis 91 que je fais de la vente de collection, oui. D'accord, et donc du coup, votre vie professionnelle était tout autre, vous pratiquez Tout autre, mais quand même j'ai travaillé dans une entreprise qui fabriquait du rail miniature aussi, voilà. D'accord, donc ça vous a toujours plus ou moins suivi, du coup c'est tout ce qui est collection, etc. Et donc... Comme nous venons de le dire, vous êtes collectionneur, mais qu'est-ce que vous collectionnez ? Est-ce que vous avez plusieurs collections ou est-ce que vous collectionnez qu'une seule et même chose, on va dire ? Non, j'ai plusieurs collections. Donc, je peux vous énumérer quelques-unes. Donc, les ours en peluche que tout le monde a eu, enfant ou autre. Je collectionne aussi les beaux minéraux. Et bien sûr, je collectionne aussi tout ce qu'est la bande dessinée et les figurines de bande dessinée. D'accord. Donc, pour cette heure d'émission, on va un peu plus du coup se concentrer sur votre collection d'ours anciens, etc. Parce que j'ai eu la chance de l'avoir de mes propres yeux il y a quelques semaines maintenant. Parce que vous exposiez dans votre pelouse, dans votre jardin. C'est tous les ours que vous collectionnez. Donc vous collectionnez beaucoup les ours en peluche notamment, et je crois savoir, j'en suis même sûr d'ailleurs, que vous aviez décoré du coup votre pelouse. Combien y avait-il d'ours en peluche ? Donc dans ma pelouse pour Noël, j'avais fait une décoration bien spécifique avec des véritables ours peluches, dont le plus ancien datait de 1933, et il y avait 62 ours. 62 ours, et puis l'avantage qu'on a en radio, c'est qu'on nous on voit, alors que les auditrices auditeurs nous entendent, mais je peux voir que vous nous avez amené un petit ours sous cloche, le plus petit ours du monde. Oui, donc je possède, en fait, j'étais à l'initiative avec une amie américaine, parce qu'à une époque, je faisais les marchés de Noël. D'accord. Et donc, j'exposais mes ours au marché de Noël. Et en 2005, avec une amie donc américaine, on a créé le plus petit ours, industriel, commercialisé. Donc, il fait 2,5 cm, il est articulé, et bien sûr, il tient dans un petit dé à coudre, et il est, en cachemire. En cachemire, et donc, du coup, j'imagine que ça représente une certaine minutie, quand même, pour fabriquer un ours aussi petit. La mise au point, au départ, a demandé plus de 15 jours pour pouvoir réaliser ces petits ours. Donc, il y en a eu, en fait, 10 000 réalisés en 10 couleurs différentes. D'accord, et donc, celui que vous nous avez amené, c'est un petit ours brun ? Ouais, non, j'ai amené un petit bleu et un petit vert. D'accord. Ils sont mignons, je les vois depuis ma cabine d'animateur. J'irai les voir d'un peu plus près pendant la première pause musicale. Et donc, du coup, est-ce que vous faites des expositions, des événements que pour Noël ou aussi pour d'autres fêtes ? Disons que oui, je prête mes ours, je prête à des gens qui veulent faire des vitrines d'ours, etc., donc je les prête effectivement. Ma collection, comme je n'ai pas assez de place, elle est en caisse et en carton, malheureusement. Ceux que j'avais mis pour Noël sont spécifiques pour faire des monstres, des décorations, effectivement, en extérieur, voilà. Mm-hmm. Et du coup, sur la pelouse, ça représentait différentes situations. On avait, par exemple, je me souviens, un ours qui dormait à plat ventre par terre, un ours Père Noël, etc. Ouais, j'avais réalisé tout un décor avec les luges, motoneige, oui. Ski. J'avais même réalisé les skis et tout avec des sabots vosgiens, bien sûr. Bien sûr. Et du coup, pour faire cette mise en place pour les fêtes, la fête de Noël, combien de temps ça vous a pris pour tout mettre en place ? 200 heures, un peu plus de 200 heures. Un peu plus de 200 heures, d'accord, ça représente quand même, du coup, 200 heures, on va dire, vous en faisiez jour après jour, ou c'était un peu comme vous Oui, un petit peu comme ça, mais c'est-à-dire qu'en fait, j'avais une idée, et après, on transforme un petit peu, on évolue, on ajoute, etc., oui, voilà. D'accord. Donc, et puis surtout, j'avais des gens qui amenaient aussi, qui m'ont amené des objets qui partaient pratiquement pour la déchetterie, quoi. Mm-hmm. Oui, donner un genre de seconde vie... aux vieux objets, aux vieux jouets, voilà, etc. Oui. Et donc, justement, pourquoi avez-vous pris cette décision d'exposer vos ours devant les spectateurs, devant les visiteurs, devant les promeneurs ? Bah, c'est tout bête, hein. c'est simplement un défi avec moi-même, parce que le Noël précédent, je me suis retrouvé donc à l'hôpital, oui. J'étais dans une chambre tout seul, isolé avec les infirmières qui arrivaient en cosmonaute, puisque j'avais été opéré, j'ai été atteint du Covid, et voilà. Et donc j'ai lancé un défi avec moi-même, j'ai dit ce Noël sera le plus merveilleux pour mes petits-enfants et puis les gens du quartier. Quoi. Bien sûr, donc Noël 2000, où vous avez été frappé par la maladie, c'était Noël 2020 ? Non, j'ai démarré début 2020 et après j'ai démarré tout au début du Covid. J'ai été atteint là et après on a décidé parce que ça s'empirait. Il me restait que quelques jours à vivre en fait et on a tenté l'opération et voilà. Aujourd'hui, je suis devant vous. Voilà, quoi. Ça s'est bien passé. Et donc à la toute base, comment vous est venue cette passion pour les ours en peluche ? Bon, c'est tout bête, hein. C'est en retrouvant les ours de sa jeunesse, hein, puisque ma foi, j'ai eu aussi, comme tout le monde, un nounours. Et puis oui. De là, de fil en aiguille, comme je vendais déjà des collections, ça a remonté en 1991, et donc je vendais d'autres collections, tout ça. Et donc à partir de là, puis j'avais mon côté enfantin, j'ai dit, allez, je vais vendre des ours, mais de collection. Bien sûr, comme vous venez de le dire, vous avez malheureusement été touché par le ou la Covid, tout dépend comment on le dit, ce qui vous a conduit du coup à malheureusement vous retrouver en réanimation pendant plus de 10 jours. Oui. Voilà. Mais cependant, vous dites que c'est votre âme d'enfant qui vous a sauvé. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce côté ? Ben oui, parce que je dirais, quand on a une âme d'enfant, on ne pense plus comme tout le monde. Et puis, je vais être honnête avec vous, je suis passionné. Donc, un ours, c'était aussi quelque chose que je touchais moi-même. C'était un rattachement, je ne sais pas. C'est difficile à expliquer, voilà quoi. Donc, je pense qu'effectivement, la collection m'a beaucoup aidé, et puis voir mes ours, hein, parce que je vais, pendant le rétablissement, je dormais avec un ours, oui. D'accord. Et justement, de temps en temps, nous entendons parler du pouvoir des objets sur le mental. Est-ce que vous y croyez à ce pouvoir sur le mental ? Oui, énormément. Énormément. D'accord. Parce que même en dehors de l'objet, passion, de l'ours, dans d'autres domaines que je pratique, on a bien aussi la puissance de l'objet, ou la mémoire de l'objet en particulier. Mm-hmm. Et donc, du coup, quelque part, cette mésaventure du Covid, ça vous a donné raison, quelque part ? Oui, ça m'a donné une affirmation, parce qu'à une époque, j'étais aussi dans la recherche. Mm-hmm. J'ai travaillé pour des principes de code mémoire et tout ça. Donc là, j'ai compris ce que ça voulait dire, la mémoire. La mémoire. Et donc, comme vous l'avez dit également, vous avez frôlé la mort à cause de cette maladie. Et vous avez même subi, du coup, je ne sais pas si c'est en rapport avec le Covid, mais vous avez dû subir aussi une opération du cœur. Ben parce que oui, effectivement, parce que je vais quand même dire une chose, hein, qu'il ne faut pas non plus totalement s'effrayer sur la Covid, parce que en fait, les gens qui meurent du Covid et tout ça ont été des gens qui ont des faiblesses, soit qu'elles soient émotionnelles ou qu'elles soient comme moi, parce que j'avais un petit problème au cœur, donc avant, et la Covid est remontée des poumons par la veine pulmonaire et donc m'a fait une destruction cellulaire du cœur, et voilà. D'accord, ok. Ah oui, c'est assez impressionnant et on en parlait avant cette émission, du coup avant de prendre l'antenne. Vous m'avez dit que vous avez même un petit ordinateur dans le corps. Oui, donc je possède un pacemaker, mais seulement celui-là, il est géant et il est dans mon ventre, et donc il m'aide à fonctionner, ou tout au moins faire battre mon cœur, parce que je n'ai plus qu'une régulation de 30 pouces et tout, 30, et donc l'ordinateur, lui, il m'aide et il m'en rapporte une vingtaine de plus, voilà. D'accord. Et il m'aide surtout dans mes efforts, parce que je suis un très grand marcheur aussi, voilà. Donc, justement, est-ce que vous diriez du coup que cette maladie, donc le Covid, etc., ça a été un mal pour un bien quelque part ? Oui, c'est vrai, tout à fait vrai, parce qu'on retrouve une autre vie, on vit différemment, on n'a plus les mêmes pensées, et chaque instant devient une joie, du bonheur, etc. Et du coup, les fêtes de Noël maintenant, les fêtes de fin d'année en général, et plus précisément Noël, justement, c'est une grande importance pour vous, mais justement, est-ce que Noël, ça a toujours été une grande importance durant toute votre vie, ou seulement depuis que vous avez été touché par... Non, je pense que déjà, familialement, on était très tradition de Noël. Pas forcément comme tout le monde, mais se retrouver en famille, jouer en famille, etc. Et donc là, par exemple, cette année, c'était la venue de ma fille qui habite en Vendée. Et donc, il y avait le dernier petit enfant qui était là. Et donc, c'était vraiment une fête extraordinaire. Et du coup, au niveau des ours en peluche que vous collectionnez, est-ce que vous préférez les ours en peluche anciens ou les plus récents ? Que les ours anciens, ouais. J'ai une collection. Avant, je collectionnais un peu tout. Et à un moment donné, je suis arrivé à plus de 900 ours de collection. Alors, j'ai largué mes ours pour ne garder que vraiment le vrai ancien, authentique. Et puis, en me donnant une limite de mesure, parce qu'après, sinon, on n'a plus de place. Bien sûr. Et donc, justement, cette envie de garder les ours anciens, pourquoi cette envie ? Est-ce que c'est parce que ça dit que du coup, ces ours en peluche ont eu une vie avant d'être avec vous ? Eh ben oui, ils ont une vie, je reparlais de la mémoire tout à l'heure, je pense qu'ils sont chargés d'une belle mémoire, et puis je vais vous dire une chose, un ours en peluche, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'étais à l'initiative d'un ours qu'on mettait autour du cou une ficelle avec une clé, et on l'avait appelé l'ours des secrets. D'accord. Parce que ces petits ours, on pouvait lui confier tous les secrets, et lui jamais il allait les rapporter. C'est vrai, c'est joliment dit. Et donc, du coup, il est 14h, presque 14, avant de poursuivre. Je vous propose de nous lancer dans une première fréquence musicale que vous m'avez laissé choisir en amont. Donc, j'ai décidé de passer Johnny Hallyday, dont on salue la mémoire, avec son titre intitulé « L'idole des jeunes ». Voilà, pour donner les quelques références, donc c'est un petit peu une balade musicale, on va dire. C'est un titre sorti en 1962 et c'est extrait, il me semble, de l'album du même nom. Donc, album intitulé L'idole des jeunes, c'était un 33 tours, sorti le 9 avril 1963, du coup, de Johnny Hallyday. Donc, on écoute L'idole des jeunes et on se retrouve juste après. Toute ma jeunesse. Voilà, et même les deux autres pauses musicales aussi ont... Je pense que ça fait partie de votre jeunesse également. Voilà, c'est des chanteurs qu'on connaît tous, je pense. Donc voilà. Donc on commence déjà par Johnny avec L'idole des jeunes et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite sur Radio Gemozo. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envie. Mais ils ne savent pas dans la vie. Je cherche celle qui serait mienne, mais comment faire pour la trouver? Le temps s'en va, le temps m'entraîne, je ne fais que passer. Dans la nuit, je file, tout seul de ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. La fortune est plus, et mon nom partout dans les rues. Pourtant, je cherche tout simplement l'amour. Plus d'une fille souvent me guette quand s'éteignent les projecteurs. Soudain sur moi, elle se jette. qu'une pierre qui roule toujours. Il me faut rire et danser. Oui, le spectacle terminé. S'en aller ailleurs au lever du jour. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envie. Mais s'il pouvait savoir dans la vie combien tout seul je suis, combien tout seul je suis. Et voilà, encore un petit blanc. De toute façon, comme je le dis toujours, vous êtes habitués du coup avec moi sur Radio Guémozo. Donc vous êtes de retour. Voilà, vous venez d'écouter Johnny Hallyday avec son morceau L'idole des jeunes. On est toujours en direct, il est 14h17. Et vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement, sur notre site internet ou sur notre application Orange Radio partout en France. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont de Jean-Luc Fevet, collectionneur, qui est là pour nous parler de ses passions, de ses collections et de tout ce qu'il fait. Ça va toujours ? Très bien, très bien. Super. Donc j'aime beaucoup, je vais demander pourquoi avoir choisi cette pause musicale, mais vu que c'est moi qui l'ai choisi, voilà, parce que j'aime bien, et parce que cette chanson de Johnny, aussi on lui rend hommage, voilà. Et donc, vous l'avez dit, avant cette pause musicale, vous aviez à l'époque plus de 900 ours en peluche. Oui. Et donc, du coup, vous avez dû faire des choix, et du coup, vous en avez combien actuellement, maintenant ? Disons ancien, je possède un peu moins de 200 pièces, mais vraiment de belles pièces. D'accord. Et du coup, quand vous avez exposé dans votre pelouse, il y avait 62 ours. Oui. Comment vous les avez choisis ? Bon, comme ça, parce qu'en fait, d'année en année, ils servent dans des expos. Et après, au départ, les premiers que j'ai mis dans la pelouse, il y a une dizaine, quinzaine d'années, étaient sur mon chalet en décoration lors des marchés de Noël, voilà. D'accord, donc vous faites même les marchés de Noël, du coup, pour présenter vos collections ? Ben, c'est-à-dire qu'au marché de Noël, non, je vendais. Hein, j'ai démarré les marchés de Noël en l'an 2000, et pendant 16 ans, j'ai eu un chalet au marché de Noël de Colmar. Mais je décorais avec des ours, puisque je vendais des nounours, donc automatiquement, il fallait une décoration qui suivait, quoi, voilà. Bien sûr. Et donc, du coup, pendant 16 ans, donc, c'est un choix d'avoir arrêté, du coup, les marchés de Noël ? Ça a été dur, oui, ça a été dur, ouais. Et du coup, mais pourquoi les avoir arrêtés ? Ben parce que c'est pas évident quand vous êtes 5 semaines dehors travailler, et puis faut pas oublier que je vais bientôt sur mes 70 ans quand même, voilà quoi. Et donc, il y a le poids de l'âge, c'est pas pareil, quoi, voilà. Bien sûr. Et donc, du coup, est-ce que le fait de comme on parlait juste avant la pause musicale, du coup, de la maladie que vous étiez touché par, que vous avez été touché par la Covid, malheureusement, est-ce que justement le fait d'avoir mis en place cette tradition d'exposer vos ours devant chez vous, c'est comme une certaine revanche que vous prenez ? Oui, c'est une revanche en quelque part avec moi-même. Hein, je parle aussi de moi-même parce que c'était important d'être capable de partir dans un monde un peu imaginaire et voilà, sortir du contexte en fait. Bien sûr. Et bien que l'attraction du coup majeure soit vos ours en peluche pour cette exposition, on va dire, parce que c'est vraiment une exposition, vous mettez en scène du coup les différents ours, j'ai vu quand je suis allé voir du coup cette exposition devant chez vous, que vous aviez même posé quelques gnomes ici et là. Des gnomes. Oui, parce que je suis pareil, j'aime bien la magie, je crois un petit peu à la magie de la nature, puisque j'organise des promenades et tout ça, et donc les gnomes font partie un peu de l'imaginaire de la nature, voilà, donc effectivement j'avais fait la petite maison des gnomes. Mmh. Et vous les collectionnez aussi les gnomes ou pas forcément ? Non, pas forcément, ça a été une idée, je vous l'ai dit tout à l'heure, je fais ma conception de décoration en fonction de l'idée qui arrive, et puis dans une boutique qui se vendait des gnomes, et à partir de là, j'ai dit, tiens, on va ajouter les gnomes et les petits ours. D'accord. Eh bien, c'est encore un peu tôt, nous sommes que fin janvier. Est-ce que déjà, pour le Noël 2022, vous avez prévu de refaire une exposition de vos ours ? Alors, je vais vous dire honnêtement, aujourd'hui, vu ce que j'ai subi, la maladie, je ne pense pas à demain. Mais ils sont stockés, mes ours, donc on verra s'ils ressortent ou ils ne ressortent pas pour la fin de l'année, voilà. Mmh. Oui. Mais pour l'instant, non, je ne programme rien. Aujourd'hui, je suis arrivé à un statut où quand vous passez près de la mort, oui. Et tout ça, vous ne pouvez plus programmer, vous vivez plus de la même manière. Mmh. Vous préférez du coup maintenant privilégier l'instant présent, vivre le moment présent. Voilà, le vivre à 100 à l'heure, comme je dis, respirer la vie. Voilà, parce que comme vous l'avez dit un peu plus tôt dans cette émission, vous êtes également un grand marcheur, vous allez vous balader souvent en forêt ou dans les coins. Du coup, c'est aussi pour encore plus apprécier la nature, ces balades. Oui, parce que pendant tout le temps de la maladie, avant que je sois opéré, tous les jours, je me forçais à aller dans la nature, hein, parce que je peinais, c'était dur. Et comment je veux dire, pour me guérir aussi après l'opération, donc toute cette année qui vient de passer, tous les jours, j'allais dans la forêt, j'allais dans la nature, qu'il pleuve, vente ou neige, j'allais respirer justement la nature, parce que j'ai plus qu'une croyance. Je crois simplement à la nature et à l'univers, uniquement, voilà. Et c'était ma dose de médicaments. Voilà. D'accord, et du coup même aujourd'hui, est-ce que vous l'avez déjà fait cette promenade aujourd'hui ou est-ce que vous la ferez après cette émission du coup ? Non, j'ai fait ce matin, parce que j'ai maintenant un petit chien. Ouais, oui, fait, mais tous les jours, effectivement, je fais entre 4 et 5 kilomètres minimum. Hier, par exemple, on a fait 8 kilomètres, voilà quoi. Mm-hmm. Donc, et puis, c'est vrai que ça fait du bien, par exemple, quand on se promène en forêt avec tout ce que les arbres dégagent aussi. Parce que les arbres transforment, je vous avouerai qu'au niveau scientifique, je ne m'y connais pas trop, mais transforment une certaine substance en une autre pour nous permettre de respirer. Oui, c'est des principes énergétiques. En plus, moi, j'ai eu la chance de travailler avec les Amérindiens. Et donc, j'ai une connaissance de beaucoup plus de la nature. Et je pratique les principes de la nature, les énergies, etc. Voilà, quoi. Mm-hmm. Et du coup, pour en revenir à cette mise en scène, à cette exposition avec vos ours, vous avez même reconstitué une piste de ski avec des draps blancs, un traîneau, et j'oublie certainement plusieurs choses que vous avez du coup réalisé, représenté, et tout ce que vous avez mis en place justement, est-ce que c'est vraiment votre vision de la fête de Noël, donc la neige, les traîneaux, le Père Noël, tout ça? Ben oui, parce que ça représente l'hiver, moi je dis pas le Père Noël, le bonhomme hiver, tout quoi, voilà, et puis c'est vrai que le ski, on est quand même dans les Vosges, etc. Et oui. Quoi, voilà, quoi. Donc j'ai essayé de mettre tout le monde dans l'élément, quoi. Et puis en même temps, il y avait quand même les sapins de Noël, avec les cadeaux, il y avait tout, donc il y avait aussi l'esprit de la famille avec le monsieur et madame ours et les enfants et même le landau, voilà, puis d'autres jouaient, faisaient de la patinette, etc. Voilà. Mm-hmm. Bien sûr. Et donc du coup, vous l'avez dit, vous avez mis plus de 200 heures pour mettre en place tout ça. Oui. Voilà. Et c'est quand même du coup un nombre d'heures assez conséquent, donc le niveau de l'organisation, on en a un petit peu parlé, voilà, c'est un petit peu comme ça vient. Et pour donner une petite idée à nos auditrices et auditeurs de la scène que nous pouvions voir, c'était une scène allant du skieur au dormeur, l'ours dormeur à plat ventre, en passant par une famille en balade, le Père Noël en traîneau et un ours à dos de renne. Toute une histoire du coup au milieu de 30 arbres repiqués et de déco de Noël. Donc justement, comment avez-vous fait pour savoir comment placer quel ours ? Ce que vous disiez tout à l'heure, j'essayais de... En fait, oui, j'ai une vision de ma pelouse, hein, au départ quand elle est vide, et après j'imagine à peu près les emplacements, comme la piste de ski, on la met dans un sens, le Père Noël, fallait le mettre comme s'il était en l'air, comme s'il volait avec son renne, donc il était au-dessus, j'avais repiqué plein d'épicéas, et il était sur les cimes d'épicéas, quoi. Donc il faut donner une vision depuis la rue un petit peu spéciale, quoi. Donc il faut... L'implantation, elle vient toute seule avec la vision, on teste, on regarde et voilà. Bien sûr, parce que c'est vrai que quand on passait du coup devant chez vous, on ne pouvait pas rater la décoration, elle était très, très visible et c'était sympa à voir. Mais justement, pour tout mettre en place, pour faire ces 200 heures du coup de mise en place, est-ce que vous avez tout fait tout seul ou est-ce que vous avez été aidé, je ne sais pas, de vos enfants, de vos petits-enfants ? Non, j'ai tout fait tout seul. D'accord. Et je vais habiller les ours, hein, parce qu'il faut les habiller, tout, en achetant des costumes ou en récupérant dans les puces des costumes, voilà. Et donc après, il faut les adapter, parce que c'est bien beau d'aller choper une barboteuse de bébé, mais l'ours, il a un gros ventre ou des grosses pattes, et donc il fallait tout retransformer les habits, faire un peu de couture et tout. Et justement, c'est un choix de votre part de tout faire tout seul ? Oui, ben oui, ma foi. D'accord. C'est votre petit moment à vous, du coup. Voilà, c'était à moi, hein, c'était, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était mon expression, mon défi, en fait. Hein. Alors là... Un défi que vous avez relevé, du coup, et vous avez brillamment relevé, si je puis me permettre. Et pour avoir toute cette collection d'ours, est-ce que ce sont des achats que vous avez effectués? Est-ce que ce sont des dons qu'on vous a fait? Alors, il y a des ours que j'achète, oui. Donc, ceux qui étaient présentés, oui, j'en ai acheté beaucoup dans les puces. J'en ai trouvé à la déchetterie, hein, voilà. Et quoi. Oui. Des personnes m'en ont offert quand ils ont vu ma décoration, voilà, quoi. Donc, d'ailleurs, le plus ancien était une dame qui passe dans la rue. Elle me dit, mais j'en ai un vieux, je ne sais pas quoi en faire, je vais vous l'amener, voilà. Donc, ça, effectivement, faut pas que ça revienne. Je vous disais, la déco, elle m'est revenue à peu près à les maximum. De 200 €, quoi. Ah oui, pour la mise en scène, c'était un bon budget, on va dire, un bon rapport qualité-prix. Voilà, ouais. Voilà. Et vous parlez de déchetterie, donc ça vous arrive du coup d'aller de temps en temps dans des déchetteries parce que, pour récolter des jouets anciens, parce que vous avez même du coup transformé un 4x4 pour enfants en jet ski, oui. Un landau en bois tout cassé que vous avez remis sur roue, une patinette réparée ou encore un cheval à bascule. Ouais. C'est tous des objets qui viennent de la déchetterie, et puis bon, on les remet en valeur, voilà. Donc comme on le disait en début d'émission, il y a ici une volonté de donner une seconde vie aux objets et aux jouets. Voilà, oui. Ouais. Est-ce que vous avez toujours eu cette vision des choses depuis toute votre vie, justement, avec cet aspect seconde vie? Oui, je suis assez conservateur aussi, donc effectivement, l'objet représente une identité, donc il faut voir effectivement si on peut la réutiliser, pas, voilà, c'est tout, c'est une adaptation en fait du passé au présent, quoi. Voilà, parce que c'est vrai que c'est assez dommage de voir certaines choses qui sont jetées parce qu'elles sont cassées, alors qu'elles pourraient très bien servir à d'autres personnes, comme vous par exemple, pour faire des collections, etc. Donc avant de jeter, s'il vous plaît, auditrices et auditeurs, essayez de penser à quoi ça pourrait servir d'autres. Voilà, ouais, ouais. Voilà. Vous parliez de la patinette, le nounours qui était sur la patinette n'avait qu'une jambe parce que je ne pouvais pas le réparer, mais en mettant un pyjama, on lui donnait une valeur, il était debout, et voilà quoi. Ouais, un ours unijambiste. Ouais. Et donc vous dites vous-même que vous n'aimez pas être comme tout le monde. Oui, tout à fait. J'aime bien être différent parce que je ne veux pas faire partie d'un système où tout est dirigé, commandé. Moi, j'aime bien avoir une autonomie, de découvrir, d'avoir toujours cette liberté de faire les choses, tout en respectant l'autre, hein, bien sûr. Hein, voilà. Bien sûr, parce que c'est vrai que c'est assez dommage de suivre, on va dire, un chemin tout tracé, parce que on peut très bien respecter l'autre, respecter les lois, etc., tout en suivant plusieurs chemins. C'est pas, l'un n'empêche pas l'autre. Oui, mais on voit aujourd'hui, moi j'avais un grand espoir avec cette maladie qui nous est tombée dessus, ce virus. Je me dis, les gens vont se retrouver plus solidaires et tout ça. Et aujourd'hui, j'ai une grande tristesse parce que je m'aperçois que c'est pire qu'avant. On est dans un individualiste très profond et c'est vraiment triste. Je suis content presque d'être vieux, voilà. C'est vrai qu'au début de la pandémie, c'est vrai que la solidarité, elle était là, et puis au fur et à mesure du temps, elle s'est un petit peu perdue, parce que comme vous le dites, maintenant, on a presque peur de l'autre. Oui. Parce qu'on a peur qu'il nous redonne, je sais pas, la maladie ou autre, alors qu'au début, avec tous les coups de main qu'on se donnait, c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage quand, par exemple, les gens applaudissaient aux fenêtres, les infirmiers, etc. Malheureusement, ça s'est perdu. Mais bon, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Du coup... Est-ce qu'on peut dire que l'animal, en général, vous fascine ? Oui, j'ai toujours été passionné par les animaux, dans le sens que la première chose, ben, je suis d'origine de l'époque, le bon Vosgien, c'est-à-dire qui était ouvrier paysan, donc mes parents étaient ça, et après il y a eu la ferme, l'élevage et tout ça, mais je suis très passionné du fait de la nature, j'adore les beaux animaux dans la nature et tout ça, oui. Et puis ben, l'ours, effectivement, je suis allé en Roumanie, tout ça, voir les ours de près, vivre dans la forêt avec eux, voilà, et ça, ça a été vraiment un moment extraordinaire aussi. D'accord. Donc il est 14h presque 31. Avant de poursuivre, je vous propose de nous lancer directement dans une deuxième fréquence musicale que j'ai choisie une nouvelle fois et que nous écoutions et ça va permettre de rendre un certain hommage à Florent Pagny, vu que malheureusement, on a appris récemment, c'est lui-même qui l'a annoncé sur ses différents réseaux sociaux, qu'il était atteint d'un cancer du poumon. Oui, je souhaite que une belle réussite dans ses efforts et je lui souhaite surtout une longue vie. Voilà. Bien sûr, parce qu'il n'a que 60 ans, donc voilà. On lui souhaite bien du courage et c'est pour ça que j'ai décidé du coup de passer son célèbre titre « Ma liberté de penser » pour le rendre du coup le saluer et pour lui rendre un petit hommage pour lui envoyer toute notre force ici à Radio Guémozo. Et puis je suis sûr que vous aussi, auditrices et auditeurs, vous avez envie du coup d'envoyer votre force à Florent Pagny. Donc on va lui envoyer tous ensemble avec « Ma liberté de penser ». Donc c'est un titre sorti en 2003 et c'est tiré de l'album « Ayerland » de Florent Pagny. Du coup, album sorti le 8 avril 2003, c'était un dimanche, mais un mercredi me semble-t-il, voilà, mercredi 8 avril 2003, voilà, c'est du Florent Pagny, c'est Ma liberté de penser, on a tous déjà entendu ce morceau, et ça fait du bien du coup de le réentendre une nouvelle fois, donc on écoute Florent Pagny avec Ma liberté de penser, et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission, donc à tout de suite sur Radio Guémozo. Mes gosses et la télé, ma brosse à dents, mon revolver, la voiture, ça c'est déjà fait. Avec les interdits bancaires, prenez ma femme, le canapé, le micro-ondes, le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée. De toute façon, à découvert, je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui on peut s'arranger, puisqu'ici tout est négociable, mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Prenez mon lit, les disques d'or, ma bonne humeur, les petites cuillères, tout ce qu'à vos yeux a de la valeur, et dont je n'ai plus rien à faire. Quitte à tout prendre, n'oubliez pas le shit planqué sous l'étagère. Tout ce qui est beau et compte pour moi, je préfère que ça parte à la Bévière. Je peux donner mon corps à la science. S'il y a quelque chose à prélever et que ça vous donne bonne conscience, mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Ma liberté de penser. Hey. De penser. Quitte à tout prendre et tout solder pour que vos petites affaires s'arrangent, je prends juste mon pyjama rayé, je vous fais cadeau des oranges. Vous pouvez bien même tout garder, j'emporterai rien en enfer. Quitte à tout prendre, je préfère y aller si le paradis vous est offert. Je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui on peut s'arranger, puisqu'ici tout est négociable. Mais vous n'aurez pas, non vous n'aurez pas, ma liberté de penser. Ma liberté de penser. Et Florent Pagny avec son célèbre morceau « Ma liberté de penser » sur Radio Guémozo. Voilà, donc vous êtes de retour, vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement, nous sommes toujours en direct, il est 14h35, et vous nous écoutez aussi bien sûr sur nos applications mobiles et web Orange Radio, et sur notre site internet https://radioguémozo.radio-website.com/ partout en France. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Jean-Luc Fevet, collectionneur, qui est là pour nous parler de ses passions, de ses collections, production et de tout ce qu'il fait. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie, Jean-Luc ? Ah oui, c'est impeccable. Hein. Ben, je connaissais bien la radio, je l'écoute régulièrement, donc voilà. Et puis vous avez même déjà, vous êtes même déjà intervenu avec notre animateur Michel. Ouais, ouais, ouais. Il y a très longtemps. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on a fait déjà des émissions, plusieurs. Ouais. Ben, donc Michel, qui vient toujours proposer toutes les semaines sa chronique et son émission. Donc on lui passe le bonjour si jamais il nous écoute. Donc du coup, on va reprendre cette émission. Donc vous m'avez soumis une bonne idée pendant cette pause musicale. Est-ce que vous pouvez du coup nous parler de l'histoire de l'ours ? Alors justement, la collection d'ours aujourd'hui, telle qu'on connaît les ours articulés et tout ça, sont nés au début du siècle dernier. Aujourd'hui, dans la peluche, l'origine de la première peluche, on a une trace dans une tombe mongolienne qui datait de 1000 ans avant Jésus-Christ, apparemment donc d'une peluche faite avec une peau d'animal et tout ça. Ça, c'est l'origine qu'on connaît aujourd'hui de peluche. Après, cette histoire des ours articulés, qui sont aujourd'hui très collectionnés, faut savoir que le nom de collectionneur d'ours, ça s'appelle des artophiles, hein, voilà. Donc, la naissance de ces ours va démarrer au début du siècle 1901. En 1901, un couple de Russes va habiter donc près de New York et tombe sur un dessin qui représente le président Roosevelt à la chasse dans les rocheuses à côté d'un petit ours. Et donc l'histoire nous dit que Roosevelt avait été à la chasse et malheureusement les gens qu'il l'avait invité, il n'a pas tué d'ours, alors on lui a mis un petit ours pour qu'il puisse le tuer. Et lui, il l'a apprécié, et il a dit non, on ne va pas le tuer. Et de là, on a immortalisé la scène, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle aussi les ours Teddy, parce que le petit nom de Roosevelt, c'était Teddy. Donc on a créé le Teddy. Et donc ce couple russe va imaginer un ours articulé, miniature, parce qu'avant on créait déjà des ours quand même en Allemagne, mais ils étaient à quatre pattes comme un vrai ours et ils n'avaient pas les pattes articulées telles qu'on les voit les nounours aujourd'hui. Donc ce couple a un succès fou à la présentation du premier ours, va s'adresser justement une grande marque allemande, la famille Steiff, qui sont les ours les plus chers au monde aujourd'hui, et donc va demander à Madame Steiff de créer, il avait besoin de 100 ours, donc ils vont créer 100 ours, mais son neveu a été plus malin, parce qu'il a dit, mais tiens, c'est peut-être le moment de lancer une production pour nous, et il présente l'ours articulé à la foire de Leipzig en 1902, et là, ça va être un succès fou. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit que c'est Steiff qui a créé les ours articulés. Alors, c'est absolument faux, quoi. Ils ont copié, en fait, voilà. D'accord, donc un collectionneur d'ours, c'est un artéphile ? Un artophile. Artophile, ouais. Donc vous êtes vous-même artophile, du coup. Voilà. Ok, je ne savais pas, je l'avoue. Je crois que j'avais déjà entendu avec Theodore Roosevelt, Teddy Bear. L'histoire de Teddy, oui. Voilà, mais avant ce que vous avez dit, juste avant dans cette petite histoire, je ne savais pas, vous m'avez appris des choses, et je suis certain que vous avez appris des choses à nos auditeurs et à nos auditrices. Donc pour ça, je m'associe à eux pour vous remercier, du coup, pour ce petit cours d'histoire. Je vais vous donner encore l'ours le plus cher du monde aujourd'hui qui a été vendu. Ça a été vendu à Monaco lors d'un truc de bienfaisance. Il a atteint les 2 millions d'euros. Sinon, en collection, aujourd'hui, l'ours le plus cher vaut environ 280 000, 300 000 euros. D'accord, quand même. D'accord. Et c'est un ours ancien, du coup, qui vaut ce prix ? Ben, c'est parce qu'il a été créé, donc c'est dans des tout premiers Steiff. On connaît que 7 exemplaires encore dans le monde. Voilà. Donc il vaut environ 300 000 euros aujourd'hui. D'accord. Et justement, est-ce que vous diriez que les ours en peluche et vos ours en peluche, quelque part, est-ce que vous diriez qu'ils vous rassurent d'une certaine manière ? Bon, je pense oui, parce que c'est comme un animal vivant, on s'attache, regardez les enfants, ils s'attachent à leur petit bonhomme de peluche, quoi. Et donc oui, effectivement, je pense que c'est une assurance en même temps, quoi. C'est se sentir en sécurité ou peut-être retrouver les bras de sa mère, c'est difficile à dire, hein. C'est vrai, parce que par exemple un enfant, un bébé quand il pleure, si on lui donne son doudou, un ours en peluche ou autre, directement, il se calme tout doucement. Donc ouais, ça peut-être, je sais pas, c'est assez complexe, mais c'est un petit, un genre de pouvoir calme, je pense. Alors, moi, j'ai travaillé en psycho, puisque j'ai fait des études de psycho. Tous ces objets, comme on dit, il y a ce qu'on appelle, alors le nom en psycho, on appelle ça l'objet transitionnel d'agrippement. Parce que tout le monde naît, l'enfant, le bébé, quand il naît, il s'agrippe toujours à la mère. Il commence par quand il tète le sein de sa mère, il s'agrippe au sein, après il s'agrippe au biberon, après il s'agrippe à sa totoche. Donc voilà, on signifie qu'aujourd'hui c'est un objet d'agrippement, voilà. D'accord, et ben je ne le savais pas non plus. Alors, encore quelque chose que vous m'avez appris. Et je crois également savoir, j'ai appris en préparant cette émission, que vous effectuez des expertises dans des salons d'ours anciens. Oui, je suis, enfin, comme je fais partie d'une association en Alsace qui organise des salons de collectionneurs, effectivement. Donc, on me demande toujours d'expertiser les ours, voilà, quoi. Donner une valeur dans la mesure de mon possible, parce qu'il y a eu tellement d'ours fabriqués. Bon, moi, je connais à peu près une 40 à 50 marques différentes, anciennes, quoi, voilà. D'accord. Et justement, pour réaliser ces expertises, qu'est-ce que vous regardez? Est-ce que vous regardez l'état de l'ours, la marque de l'ours? Est-ce qu'il y a des critères qui sont plus importants que d'autres? Non, il n'y a pas la marque, on la connaît, on le sait par la forme. Il y a ce qu'on appelle le dessin typique, quoi, voilà, qui va donner la marque. Après, quand on ne sait pas trop, on va chercher comment ils sont composés, leur articulation. Est-ce qu'il y a du carton, il y a du bois, le paillage, la façon du nez, la façon de la couture du nez, tout ça. On va regarder tout ça, ce qui va nous permettre de nous diriger vers ce qu'ils l'avaient créé. Et on pourra l'authentifier qu'à partir de ça, effectivement. Après, il faut bien regarder s'ils n'ont pas été restaurés, pas restaurés, etc. D'accord. Il y a aussi les boîtes à musique qui sont dedans, qui nous donnent aussi beaucoup d'attention. La forme des yeux aussi, voilà. Mm-hmm. Et donc, du coup, est-ce que ça permet de déterminer un prix si on veut le vendre, par exemple? Alors, le prix, c'est aléatoire. Après, on a des catalogues de salles de vente. Hein. Tous les ans, par exemple, à Londres, il y a la plus grosse vente d'ours au monde, de miniatures, comme ça. À Paris, il y en a une. À Chartres, il y en a une aussi, où on vend que des ours, effectivement. Alors, on a les résultats des ventes. Et à partir de là, on estime, quand on sait à combien ils ont été fabriqués ou pas, voilà. D'accord. Et comme du coup nous le disions un peu plus tôt dans cette émission, vous avez également la chance d'être grand-père. Voilà. Et donc qu'est-ce que vos petits-enfants vous disent sur vos ours? Est-ce qu'ils vous posent des questions? Disons qu'ils sont passionnés autant que le grand-père, quoi. D'accord. Et tous les petits-enfants, bon, maintenant, après, j'en ai des grands, voilà. Donc, ils sont plus passionnés par ça, quoique, voilà. Mais après, eux, ils sont heureux, hein. Quand j'ai fait ma déco, ils dansaient autour des ours, etc. Voilà, oui. D'accord. Est-ce qu'ils vous donnent un petit surnom en rapport avec les ours, par exemple? Alors, oui, au départ, il faut savoir que tous les petits ours ont un nom de départ. D'accord. Voilà. Et après, à chacun de donner aussi son nom pour son objet préféré, oui. D'accord. Mais au départ, ils ont un nom, hein, voilà. Ok. Et puis, vous, en tant que grand-père, est-ce qu'ils vous disent, je ne sais pas, papy nounours ou... Non, pas du tout. Moi, je suis papy tout court parce que comme j'ai pas que ça comme collection, alors oui. Voilà. Mais c'est vrai que beaucoup de gens m'appellent Nounours puisqu'on me l'a donné quand j'étais au marché de Noël à Colmar, par exemple. Personne ne savait ni mon nom de famille ni mon prénom. C'était Nounours et tout le monde m'appelle encore ici aujourd'hui Nounours, oui. D'accord, justement, c'est comme ça quand je parlais de cette émission à mes proches, je leur disais, je vais bientôt avoir une émission, avec Monsieur Nounours. Donc voilà. Voilà pour la petite... Oui, c'était à Colmar, si vous allez à Colmar, dans la rue, les gens, vous dites, on connaît Nounours, ils vous diront qui je suis, oui. Bien sûr. Et quand vous voyez les enfants qui, du coup, regardez vos ours, est-ce que, j'imagine que leurs yeux doivent briller quand ils voient tous ces ours? Donc qu'est-ce que ça vous fait de voir les yeux des enfants briller ? C'est super merveilleux, c'est beau. Mais je vais vous donner quand même une anecdote cette année, parce que j'habite à côté de la maison de retraite, là, de Vanier, et ma petite fille, justement, a fait un stage d'animatrice, tout ça. Ils sont venus, les personnes âgées sont venues en petit bus voir les ours. Et je crois que c'est ça qui m'a laissé la plus belle empreinte cette année, de voir ces personnes âgées dans l'émerveillement. Et quand j'ai vu ça, j'ai offert à chacun un petit ours, et ils sont partis comme un enfant, quoi. Et je crois qu'ils ont retrouvé leur âme d'enfant. C'est une belle chose, un petit ours comme celui que vous avez amené aujourd'hui ? Non, des petits de 15-20 cm, quoi. D'accord. Mais ils sont précieux, ma petite fille me disait, après l'ours était avec eux dans leur chambre, il y a même une dame qui a cousu l'ours sur le ventre, enfin sur un pull, pour se présenter avec son nounours, quoi, voilà, quoi. Ouais, c'est joli, c'est joli. Mais je crois que c'est la plus belle anecdote que j'ai aujourd'hui de cet émerveillement, je crois que ça a été ça. C'est une jolie histoire. Et du coup, il est 14h presque 47, donc nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission. Mais avant de la passer, j'ai une autre petite question. Est-ce que votre grande collection d'ours vous a déjà valu des récompenses ? Non, jamais, parce que je suis dans un monde de collection où on n'est pas, je dirais, sur le principe de l'argent. Si on présente nos ours, c'est gracieusement, voilà. Il n'y a pas de... Après, c'est vrai que la collection a une valeur, mais on prête. Voilà. Bon, après, il y a quelques pièces que je ne prêterai pas parce qu'elles ont une trop grosse valeur. Oui. Bien sûr. Valeur aussi bien peut-être une valeur sentimentale déjà, et peut-être valeur aussi financière, non ? Financière, oui. D'accord. Donc, comme je le disais, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission, mais avant de conclure, je vous propose de nous lancer directement dans la troisième et dernière fréquence musicale que j'ai choisie, un autre grand chanteur célèbre, Joe Dassin, avec son célèbre morceau... L'été indien, voilà, c'est un morceau de Joe Dassin sorti dans les années... Ah par contre là j'ai pas la date précise, ah si voilà, je ne trouvais pas la date précise, donc sorti en 1975 et tiré du coup de l'album intitulé Je ne sais pas, voilà, je ne trouve pas le nom de l'album, mais en tout cas c'est une chanson sortie en 1975, donc ça monte déjà un petit peu. Et Joe Dassin, tout le monde connaît Joe Dassin, tout le monde a déjà entendu au moins une fois dans sa vie le titre, L'été indien. Alors, je me perds en cet après-midi, je ne sais pas ce que j'ai, c'est sûrement être la fatigue. Donc voilà, on s'écoute Joe Dassin avec L'été indien et on se retrouve juste après, d'ici un peu plus de 4 minutes 30 pour la suite et la fin de cette émission. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement ça, le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareil à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi, Où es-tu ? Où es-tu ? Que fais-tu ? Est-ce que j'existe encore pour toi ? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort, toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. L'été indien de Joe Dassin sur Radio Guémozo. Vous êtes donc de retour, toujours en direct. Il est 14h53 et vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur notre site internet https://radioguémozo.radio-website.com/ et sur notre application Orange Radio partout en France et dans certains pays frontaliers. Oui, oui. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux pendant encore quelques minutes de Jean-Luc Fevet, collectionneur, entre autres, qui est là pour nous parler de ses passions, de ses collections et de tout ce qu'il fait. Tout va toujours bien ? Toujours bien. Super. Donc, on en parlait pendant la pause musicale, vous parliez que vous faisiez de l'animation, etc. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'organiser des animations avec vos ours ? Non, jamais, jamais. Aucune animation avec les ours, ouais. Si, peut-être dans des salons de collectionneurs, parce qu'il y avait une expo, tout ça, mais jamais de véritable animation, non. C'est parce que... Est-ce qu'il y a une raison ? Est-ce que c'est parce que ça ne vous intéresse pas forcément, ou est-ce que... Bah, personne ne me l'a demandé. D'accord. C'est vrai que c'est une bonne raison. Voilà. Et donc, du coup, il est 14h54. Comme annoncé avant cette pause musicale, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. C'est passé super rapidement. Et y a-t-il quelque chose, pardon, que nous n'avons pas encore abordé, mais qui mériterait absolument d'être abordé ? Je sais pas, moi, je suis l'invité, donc je sais pas, j'ai tellement de choses, vous savez, on pourrait passer deux jours à parler, quoi, voilà, parce que c'est vrai que je suis passionné de beaucoup de choses, quoi. Bon, on fera peut-être une émission plus tard. Pourquoi pas. Voilà, d'ici quelques temps. Si nous voulons vous suivre l'actualité de vos collections, etc., comment est-ce qu'on peut faire ? Bah, il suffit de me contacter. Hein. J'ai pas de site, de vente, rien du tout. Si vous voulez, je travaille par le on dit et puis les salons de collectionneurs, quoi. Voilà. Ouais. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut aussi vous contacter sur ce que je sais que vous avez un mur Facebook. Est-ce qu'on peut vous contacter là-dessus ou sinon sur mon site, le mail, c'est facile, c'est toute collection, toute pluriel, collection pluriel, donc tout attaché bien sûr, donc @orange.fr. Voilà. De toute façon, je mettrai tous les liens utiles pour vous retrouver facilement avec le podcast de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Longue vie. C'est vrai, c'est important. Donc voilà, une longue et une belle vie remplie d'ours en peluche, de collections, de promenades en forêt, voilà, tout ça, tout ça. Est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on se quitte ? Comment ? Est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on se quitte ? Non, mais je veux vous remercier simplement. Voilà, avec plaisir. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je vis tous mes instants. Moi, je souhaite aux gens d'être heureux simplement. Voilà, quoi. Et puis surtout, je crois que c'est très important qu'on soit en bonne santé. En bonne santé, être heureux et voir la vie de la plus belle des façons. Parce que c'est vrai, malgré tout ce qui peut arriver dans la vie est belle, tout simplement. Oui, oui. Voilà. Mais je peux dire aujourd'hui, je remercie le monde médical, parce qu'il ne faudrait peut-être pas l'oublier, ces gens qui ont été autour de moi, qui m'ont beaucoup aidé. Hein. J'étais donc à Nancy, mais après je suis allé à Saint-Dié en rééducation. Mais tous ces gens-là, il ne faut pas l'oublier, ce sont des gens merveilleux, qu'ils soient depuis la FITSAL jusqu'aux professeurs qui m'ont suivi, voilà. Je peux dire merci à eux. Voilà, donc on remercie tout le personnel soignant, les infirmières, les infirmiers, les médecins, les chirurgiens, tout ça, on vous remercie. Du coup, je me joins à vous pour les remercier également pour tout ce qu'ils font pour nous, surtout depuis plus de 2 ans maintenant, et puis même avant. Donc voilà, merci d'être présents, ils sont importants à notre bonne santé, ils sont importants à notre vie, donc voilà, merci à eux. Donc c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Je vous remercie une nouvelle fois, Jean-Luc, d'avoir accepté mon invitation. Non, c'est moi qui vous remercie. Hein. Cette émission sera rediffusée demain à 18h avec le podcast de cette émission posté sur notre page Facebook et sur notre site internet. Si vous voulez, je pourrais vous l'envoyer par mail, vous envoyer le lien si vous voulez la réécouter. Ouais. Voilà, la partager, etc. Concernant la suite, je vous laisse en musique juste après le générique, soit avec Ruben James et son titre So Cool, ou avec Raphaël. Ruben James avec son titre So Cool. Voilà, ça me paraît pas mal, ça me paraît être un bon plan. Voilà, quant à nous, on se retrouve demain à 14h en direct pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai dans nos locaux Camille Chastan de l'association La Lune en Parachute, ainsi que Mona et Jérôme, deux étudiants de l'ESAT d'Épinal, qui nous parleront de tout ce qu'ils font et de la prochaine exposition organisée en partenariat entre La Lune en Parachute et les SAT d'Épinal. Voilà. Donc merci de votre fidélité à Radio Guimauzo, et du coup je vous dis à demain. Donc salut et à demain.